d'hommes et trop de femmes t'imaginent love à la vie. Prouve la vie que je donne, prouve-le sans le mais. Tous mes espoirs rêvent que ce soit faux. Surtout quand tu chuchotes, t'inquiète moi je t'aime, là y'a fou. Quand je t'interroge, qui a son phone, t'hésites à me répondre pour me prendre un truc léger style. Quelle pile t'anime, c'est qu'un ami, j'ai dit que c'est toi que j'aime. Les autres, pff, c'est toi que j'aime. C'est que le ciné, le resto, pourquoi ça te gêne? Ce gars que tu jettes autour de mon cou, je m'en fous, c'est toi que j'aime. Mais c'est la même promesse de chaque fille à chaque mec. Même speech pour se mettre ensemble, même pour ne plus l'être. Tu vois, à chaque fois que tu mens et qu'on s'embrouille, à ces moments tu me rappelleras jour, tu partiras jour, tu partiras, je le savais. Franchement, quand je pense à mes ex-liens d'affection, hormis le sexuel, ce fut formidable au début. Au début, c'est vraiment formidable, puis ça vire l'ordinaire. L'amour meurt, on s'écarte, on se dit merde, et larmes partent. On s'en tape, comme des chiffons devant les gosses. L'amour, c'est faussement beau, et même moche. La mauvaise personne et regrette, jure sur la vie de leur mère de changer. En ce les jours risquent de s'allonger. Les yeux se laissent aller comme une éponge gorgée d'eau. Assis le coude sur la cuisse, la joue sur la paume. Une goutte risque de la joue et tombe sur le sol. Elle subit comme celle qui aime quelqu'un qui n'aime plus. Son prochain ex vient lui dire ne pleure plus. Arbre de vie, mes lignes profondes dans la tristesse. Sans mes racines, stoppe tout de suite tous ces chichis. Ton doute sur nous, coupé, nous assassine.